Toujours à la même occasion, un titulaire de chaire de la faculté politique de l'université d'Hamas de Syrie, le président de la succursale de Chiclayo et de Trujillo de l'Institut d'amitié et culturelle péruvien coréen, et le secrétaire international de l'Organisation des jeunes du mouvement de libération du peuple d'Angola ont publié respectivement le VIT un entretien. Ils ont exalté les exploits du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il en matière de fondation et de développement de la République populaire démocratique de Corée et noté que la Corée s'est transformée en puissance socialiste invincible grâce à leurs exploits et aussi à la direction de Sun-gun du maréchal Kim Jong-un.